en perpétuelle remise en question. Parce qu'on n'est jamais sûr de rien, à part des expériences passées que le temps estompe. On regarde loin vers la lumière derrière l'horizon, pur et dur, mais même la roche subit l'érosion. Maître de nos choix, esclaves de leurs conséquences, chaque décision nécessite mûre réflexion avant éclosion. Sollicité de part en part de la neutralité, quand ange prend une sérénité, démon réclame explosion. Toute prise de position est cruciale. Échec et mat, tu gagnes en aller simple, terre, ciel, dette, certes. Tu vois ce qu'il est à souci en tête, cerne. Cicatrice au poignet, emporte enfin mi proche en terre saine. Préserver ma femme et mon fils de mes erreurs, c'est ma priorité. Avant de faire une connerie, je me demande si j'ai pas une meilleure idée. Mon vrai combat, faire les bons choix pour éviter que les plaies saignent. Je me méfie de ma gueule parce que je sais que je suis mon pire adversaire. Je me tape pour pas perdre la tête. J'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète. Oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse. Évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse. C'est que mon égo se blesse. Je me tape pour pas perdre la tête. J'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète. Oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse. Évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse. C'est que mon égo se blesse. En guerre contre ces maladies, la vérité sera moi leader. Même si cette saleté m'a affaibli, j'ai violenté avant lit de mort. J'aime trop la life et j'ai pas fini d'en profiter. Dis-leur que c'est die à ceux qui croyaient me profiler. Je fuck la souffrance et la transforme en se forge. Je fais bien, je kiffe à outrance. C'est là que le mental se forge dans la douleur. Tu te rends compte de ta chance. Le mal devient docteur quand les plaies sont attachantes. Il y a des mots insoignables et en soi je trouve ça ignoble. Si les causes sont injoignables, alors le remède s'ignore. Pour guérir l'incurable, le vrai secret c'est le courage, les plaisirs durables et puis les envies du large. Ce qui donne de quoi résister, le nombre de raisons de rester. Faut se battre sans hésiter, j'espère que vous saisissez. Toujours relativisé, lorsque l'âme est fragilisée, l'esprit tranquillisé, ça devient simple de se réaliser. Je me tape pour pas perdre la tête, j'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète, oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse, évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse, c'est que mon égo se blesse. Je me tape pour pas perdre la tête, j'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète, oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse, évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse, c'est que mon égo se blesse. Tenir sur la longueur en espérant que l'heure tarde. Imagine la lourdeur, comprends l'air dans le regard. Se maintenir à la hauteur, que les hermines meurent car. Réparer le disjoncteur, faire en sorte que je meurs car. La tête haute, les poings serrés, aucun destin n'est scellé. Baisser les bras, jamais de la vie, pas avant d'avoir essayé. Garder confiance et faire le maximum pour avoir bonne conscience. Ne rien regretter, tirer des leçons, ne pas réitérer. Si tout est cérébral, à coup sûr je serai brave. Les acquis se remballent quand il s'agit de changer en bien. Seule la volonté parle et les faibles finissent épaves. Les survivants se régalent sans même partager leurs gains. À l'intérieur, au quotidien, je recherche l'équilibre. Réfrène mes pensées négatives quand celles-ci se désinhibent. Le monde est froid, hypocrite, voilà pourquoi mon âme est désunie. C'est l'amour de mes proches qui fait que le bien en moi reste insoumis. Je me tape pour pas perdre la tête, j'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète, oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse, évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse, c'est que mon égo se blesse. Je me tape pour pas perdre la tête, j'y vais avant la retraite. Pour pas que l'histoire se répète, oublier ce que je regrette. Je me tape pour pas que je régresse, évoluer quand je me redresse. Pour évacuer ce qui me rabaisse, c'est que mon égo se blesse. Faut se battre pour pas perdre la tête. Jenny Jones, flow néfaste, le vrai combat.